écoutez. Oui. Bon. Ça, c'est quand même très important toujours à tenir contre vents et marées. C'est que même en étant deux ou trois, et même quelquefois en étant tout seul, c'est aucune raison de se laisser aller avoir une psychiatrie dégueulasse. Je crois qu'une hospitalisation aurait été mieux. Et ma psychologue était d'accord, le docteur Wong aussi, mais manque de place. Je n'ai plus été hospitalisé. Nous, patients en psychiatrie, nous sommes associés afin de faire mieux porter notre voix. Malgré justement le manque de lits, malgré le manque d'effectifs, malgré, voilà, on essaye quand même de tenir bon malgré. Merci d'être venu avec nous ce soir. Donc là, je vais remercier la fanfare et puis son chef, Guillaume, qui se donne beaucoup. Voilà. Et là, je passe la parole à Gérard. Donc, si vous ne le savez pas encore, je vous rappelle qu'à la Maison des Associations, il y a une exposition qui comporte 84 œuvres. Et puis, pour ceux qui n'auront pas le temps d'aller la voir, ou ceux qui l'ont déjà vue et qui veulent l'emmener chez eux, nous allons avoir en vente le catalogue de cette exposition, avec à l'intérieur le CD d'une émission de radio dont on vous parlera tout à l'heure. Voilà, bon, maintenant je vais vous présenter Sébastien et Clément, qui vont nous lire un texte d'introduction pour cette soirée, et qui sont tous les deux membres du comité d'administration du JAM La Locomotive, qui nous soutient fortement pendant cette manifestation. Ouais. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente Sébastien, voici donc Clément, mon collègue patient. On nous a demandé de faire une introduction, alors on va vous la faire. Vous n'allez pas être déçus, il va y avoir des rires et des larmes, ça je vous le promets, on ne va pas s'ennuyer. Alors vous devez vous demander pourquoi deux patients font l'introduction alors que dans les réunions sérieuses, ce sont d'ennuyeux et inévitables poncifs du genre. Nous avons le plaisir et le privilège de vous accueillir lors de cette soirée sponsorisée par Valium et Lexomil qui font le Maximum et Rolimil. Non, vous n'y aurez pas droit, pas cette fois. J'ai l'immense honneur de vous présenter ce soir la soirée une camisole pour le président, sponsorisée par l'Amicale des pharmaciens et anciens de la Fac de médecine de Forbach, célèbre parmi tant d'autres. Nous vous rappelons que l'ensemble des fonds récoltés sera dépensé pour créer une nouvelle HP à Neuilly, car il faut s'occuper aussi de nos amis les riches. En effet, ils peuvent avoir Alzheimer, être maniaco-dépressif et être soumis à un harcèlement constant par le fisc, et susceptibles avec l'âge de ne plus savoir quoi faire de leur argent, de le dilapider en finançant les partis politiques, voire pire, en laissant des valises pleines de billets à la disposition d'un petit bonhomme hyperactif, susceptible de détruire la psychiatrie institutionnelle. Un courant où l'humain passe avant la rentabilité, où le système ne cherche pas à nous faire adopter, nous autres patients, des comportements comparables, passez-moi l'expression, à ceux d'animaux dressés. Intelligents, rapides, soit, mais n'ayant plus trop leur libre arbitre. Peut-être tout n'est-il pas à jeter dans le comportementalisme, mais à choisir, je préfère le beau regard de nos soignantes féminines à celui moins rassurant d'un garde chiourme, maître chien peu enclin, à la plaisanterie, capable de nous dévorer tout cru si nous faisons 3 erreurs à un test d'aptitude. J'imagine d'ici l'œil peu rassurant du cerbère, la bave aux lèvres, attendant avec impatience le moment où il pourra hurler dans les oreilles. Mais non, nom de nom, c'est quand même pas dur de maintenir une vitesse globale moyenne tout en regardant de droite à gauche et de répéter « Je suis schizophrène et ce test, je le fais pour mon bien. Merde, pardon mince alors !» Imaginez notre mine peu réjouie avant le test et notre mine décomposée après. Je me vois répétant cet exercice 10 fois avant de confier au psy de service que c'est la première fois que j'ai aussi peur de ma vie. Il m'a donné une note de triple C-, il m'a dit que je serais insolvable bientôt et que si mon cas ne s'arrangeait pas, je serais envoyé en Grèce où l'on a du soleil, des nanas et pas d'argent. Au moins eux, ils ont le soleil et les nanas en string, ça ne déplairait pas. Hélas, car c'est ainsi qu'on les appelle, l'euro fait leur ruine en attendant que la faillite ne nous mène tous à la ruine. Alors revenons à nos moutons, puisque vous savez maintenant pourquoi c'est nous deux et pas quelqu'un d'autre. Enfin, j'espère que vous appelez l'astreinte du centre Artaud. Je vous le dirai tout à l'heure. Pour les autres indispositions, il n'est pas trop tard pour se dire qu'après tout, ici, c'est pas pire qu'ailleurs. Ce soir, ayons des mots en débat et surtout cassons le moule. Bon, ben moi, je vais aller m'inscrire à Pôle emploi, toucher le RSA et m'occuper de la pelouse en bas de chez moi. Et je répéterai à tue-tête, jetons la pelouse car je suis schizophrène. Et si j'ai réussi le test, c'était pour mon bien. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, nous allons vous faire un petit concert qui a été préparé pendant l'atelier chant lyrique que j'anime au GEM avec Corinne. Et le chant lyrique, normalement, c'est toujours accompagné. Et c'est un exercice très difficile de le faire sans accompagnement. Mais ce soir, pour pouvoir partager avec vous ce qu'on avait travaillé, voilà, on se lance, on sera a cappella, je vous prie d'être indulgent. Là c'est la musique. Vous attendiez souvent, écoutez-moi la fille, vous attendiez souvent. Que vous étiez gentille. On me l'a dit vraiment, mille fois plus qu'aucune. On me l'a dit vraiment, bien des fois à la brune. Si l'on vous le disait en promettant merveille, si l'on vous le disait, fermeriez-vous l'oreille? Monsieur, ça dépendrait, on dit tout quand on cause. Monsieur, ça dépendrait d'une certaine chose. Quelle chose? Une chose. Quelle chose, une chose. Ah, on avance vite, vite, Manu le va grand train. Et n'allons pas si vite, n'allons pas si grand train. Sur cette terre petite, on doit faire là, sur cette terre, la petite, tu feras trop de chemin. C'était du coup l'occasion de se mettre en mouvement, de discuter entre nous, l'origine de pas mal d'assemblées générales, de discussions, de monter à Paris ensemble, en train, en autobus, de rassemblement, de discussions, de prise de parole des patients, de plus en plus indépendantes. J'arrêterai de prendre des drogues. D'accord. Ah, c'est ça. Okay. Toi, tu marches à la coach, c'est pour ça que t'es en forme. Je me disais bien, il y a un truc quand même. C'est pas possible. Vous n'enregistrez pas, moi. Non. C'est pas Jean, il est pas venu pour ça. Pas pour ça. C'est quelqu'un qui l'a fait, le gâteau, là. Oui, c'est Barbara. Je vous assure. Hein. Ouais, ouais, ça bien. Super bon. Pour y penser la prochaine fois qu'on a envie de manger des gâteaux. Elles avaient déjà fait un truc quand Bruno est parti du centre, Bruno Gauthier, elles avaient fait des. Ah ouais, ouais. Bah mais il part pas assez souvent. Ouais, il faudrait qu'il revienne. Ouais, on va faire ça. Il revient puis il repart comme ça. Elles en ont des talents cachés. Il faudrait que vous nous dévoiliez les vôtres un jour. On a plein. Pour mon niveau de la cuisine, non. Moi, c'est l'écriture, mon talent. Ah ouais. Votre talent ? Mon talent, c'est l'écriture, oui. Si, moi, je sais bien faire la viande. Vous faites la viande. Vous fabriquez de la viande. Donc. Des viandeuses, quoi. La fille de boucher. Je sais faire ça. La fille du boucher absolu, ça fait un beau titre. Moi, le chauffeur, il y a une chanson qui s'appelle comme ça, la fille du boucher. Ouais. Ah ouais. Un copain qui m'a envoyé ça, c'est terrible. Moi, je suis très bien chauffeur. Ah ouais. J'adore ça. Moi aussi, j'aime bien. Et vous? Le couscous, je fais très bien le couscous aussi. Bah moi, je fais très bien sur un plan culinaire. Non, je suis assez limité. Tu prépares bien la bière quand même. Tu la mets au frigo et tout. Ah ouais, ça, je sais faire. Vous faites quelques trucs. La bière, ouais. Non, au frigo. Vous faites quelques recettes et tout. Une fois, vous m'avez parlé de ça. Ah bah, je fais à manger des fois quand j'invite des gens. Mais il n'y a jamais de recette au départ. C'est, oui, mais enfin, vous faites. Je prends les trucs et je fais des bidules. Il est bon, hein? Je vais chercher ma fille, peut-être aller où ma fille. On a fait de la viande. On a fait de la viande. Le regard sadique et tout. Tout était là. Tout y était. Je l'ai vu, lui. Terrible. Vous êtes. Et vous, le moine, vous semblez tout savoir. Dites-nous donc, à quoi sert cette ampoule? Est-ce vrai qu'elle aurait des pouvoirs? Et qu'avec elle, on deviendrait roi de France? Certains disent que ce serait grâce à elle qu'au 5e siècle, Clovis fut couronné et put régner en majesté sur le peuple de France. Dites-nous donc, vous qui semblez savoir, dites-nous donc la véritable histoire. Chut, moins fort. Je peux y aller? 1, 2, 3, toc, toc, toc. Bonjour mesdames et messieurs, je suis très fier de vous accueillir pour ce qui est une première. Je n'ai jamais fait ça et vous sans doute non plus. Un dévernissage qui conclut 2 semaines de la Folie Ordinaire 2012, organisée par le Centre Artaud, la mairie de Reims et les clubs affiliés, le Grillon, le Club Med à tout cœur et le GEM La Locomotive. Nous pouvons dire que ce fut une belle réussite et nous allons aujourd'hui conclure dans cette magnifique maison de la vie associative. J'espère que vous êtes au moins aussi heureux que je le suis. Franchement, pour parler comme les Jones, c'était trop de la balle. Si quelques personnes désirent écrire leurs impressions sur notre livre d'or, il est à l'entrée. Et puis si vous voulez profiter de notre patate box isobox qui est là-bas sous l'escalier, dans laquelle est diffusée la patatose, l'émission de radio numéro 4, vous pouvez y aller. Encore merci à tous. Maintenant, vous allez entendre notre Rififi à Carnegie qui n'est pas piqué des hannetons. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, amis, familles, soignants, patients, une très bonne après-midi. Merci. D'un seul coup, tomba à leurs pieds un papier bien étrange. C'est la sainte ampoule ! Dit un homme habillé en moine. Exactement, plus personne ne bouge. Lança l'inspecteur H. Ne piétinez pas mes indices, et vous l'araignée, pas en l'air ! Certains blogueurs devinrent pâles comme des lingues. Les mots sortaient difficilement, englués par une frayeur sans bord. Quoi ? Comment ça, la faire chanter ? Sargent baissa la tête. Il paraît que l'ampoule libère la voix le moment venu. Une voix si belle, si hypnotique que c'est la voix. Les menottes et le fouille. Mais regardez-moi ça, mais ça ne serait pas la sainte ampoule ? Mais c'est à moi, Saint-Omer de Salzbourg, elle m'appartient ! Non, cette ampoule va retourner à sa place, au palais du Tour, la Culabe à Carnegie, et vous, à votre place, derrière les barreaux à Robespierre. Vous êtes bien, bravo, c'était super. Hein. Ça a été ouais, très bien, très bien. Comment ça ? On s'est vu, Vincent ? Oui, je crois, oui. Hein ? Thérèse, je voulais dire bonjour. Je suis très très belle. Parce que c'est une maligne à Bonjour Eric. Ça va ? Ça va. Comment s'est passé cette semaine ? C'était assez émouvant, il y a eu beaucoup d'interventions, notamment à Carnegie, à la salle Arnonville, ouais. À Montreuil, où on a vu Dominique Voynet, on a vu Pierre Jox aussi, qui était pour notre soutien de notre lutte depuis 2008. Et je trouve que faut qu'on souffle un peu parce que ça fait beaucoup. D'en poser maintenant. Voilà. Non, je ne veux pas en fait. Tu veux du fruit? Non. Et j'espère bien que, je vous le déclare quand même très clairement, il est clair que si on nous dit demain que il ne faudra plus qu'il y ait de club et que ça c'est pas du soin, que de faire une fanfare c'est pas du soin, que de faire des poèmes c'est pas du soin, que de chanter c'est pas du soin, qu'on dira merde et tout ça et qu'on continuera.